Message de vie donné à comprendre. Bonjour à toutes et à tous. Si je me compare à un compas qui consiste à ouvrir davantage les branches de mon esprit en élargissant mon cercle, je peux élargir mon champ de vision, soit le réduire. La pointe, c'est la décision, le crayon, c'est la réalisation. Je vous propose d'en faire à nouveau l'expérience. Dans le voyage intérieur, la série d'émissions de Message de vie, MES plus loin sage. Une émission produite par Richard Federman. Entendre un monde qui nous entoure. Un oasis de la paix existe quelque part. Les médias en parlent peu et font plutôt le choix de s'accaparer les conflits permanents qui s'y rattachent. Wahat al-Salam en arabe et Neve Shalom en hébreu veulent dire « oasis de la paix ». C'est un village coopératif où vivent juifs, chrétiens et musulmans palestiniens situés en Israël, entre Tel Aviv, Ramallah et Jérusalem. Bruno Hussard, son créateur, a fondé ce village en 1977. Il a voulu démontrer que la coexistence était possible en développant une communauté sociale, culturelle et politique fondée sur l'acceptation mutuelle. Aujourd'hui, plus de 60 familles vivent au sein du village où juifs, chrétiens et arabes visent à promouvoir la connaissance, la compréhension et le dialogue entre les deux peuples. Je vous invite à découvrir Evie Guggenheim, notre guide de confession juive, mariée au village de la paix avec un Palestinien. Cette émission veut nous apporter une lueur d'espoir dans un conflit que l'on croit trop souvent impossible à régler. Neve Shalom, Wahat al-Salam en est un exemple concret. Laissez-vous guider maintenant dans le voyage de la paix avec le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. Je m'appelle Evie Guggenheim Shbeta. Je vis dans ce village depuis 84. J'étais une des premières habitantes. Je suis arrivée avec les premières familles et j'ai fait partie du camp de travail en été de 77. Que de ce camp-là, c'est le noyau qui a fondé Neve Shalom qui est sorti. Et je suis assistante sociale, psychothérapeute. Et j'habite à Neve Shalom, au Arte Salam. Léna, toi. J'ai grandi dans une famille juive, sioniste. Et quand j'avais 19 ans, je suis arrivée en Israël pour étudier le travail social en Israël, à Jérusalem. Et c'est alors que quand j'étais à l'université de Jérusalem, je me suis rendue compte que c'est pas comme je croyais que je suis venue dans le pays des Juifs, mais qu'il y a aussi des Palestiniens ici, parce que dans mon éducation sioniste, personne ne m'avait parlé des Palestiniens. Je pensais que je suis arrivée dans le pays des Juifs. Et comme ça, j'ai pensé que je résous mon problème de minorité que je connaissais quand j'ai grandi en Suisse comme minorité. Et alors, j'ai fait partie d'un groupe d'étudiants juifs et palestiniens à l'université hébraïque à Jérusalem. Et c'est comme ça qu'en groupe, nous sommes arrivés à Neve Shalom Arte Salam en 77, quand j'ai fait connaissance de Bruno Hussard, qui est le fondateur de Neve Shalom Arte Salam. Et à la fin de ce camp de travail, qui était, on a habité dans les tentes, il faisait très chaud, et il fallait beaucoup d'idéalisme pour rester là. Alors Bruno est venu chez nous, il nous a dit, si vous voulez faire quelque chose ici qui est dans le sens de pluralisme ou de village mixte entre des Juifs et des Palestiniens, vous êtes invité de créer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré une fois par mois, ce noyau, et on a discuté quelle sorte de village on voudrait bien faire ici. Et on a changé l'idée originale de Bruno, qui était l'idée d'un village écuménique entre des Juifs et des musulmans et des chrétiens. Et on a, puisqu'on était des jeunes gens qui étaient très motivés politiquement, on a dit on veut créer ici un modèle, comme c'est possible que deux peuples peuvent vivre ensemble en paix, en se partageant le pouvoir, le terrain, le pays, l'administration. Et c'est ça ce qu'on a créé. Et c'est ça ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Comment vous avez pu construire la première idée en étant dans la voie de différence? Parce qu'il y a eu des embûches, forcément. Des embûches, c'est-à-dire des problèmes que vous avez dû rencontrer. On a eu beaucoup de problèmes, parce que tout d'abord, il fallait apprendre que nous avons de différentes identifications. Un exemple historique, c'est quand j'étais la première fois ici dans le jour d'indépendance, c'était en 83 ou 4. Tout naïvement, on a invité tout le monde à faire partir, de fêter le jour d'indépendance pour Israël. Et alors, le lendemain, on a vu que pas un seul Palestinien est arrivé. Et c'est alors qu'on a dit, bon, on doit discuter ça, je dois comprendre pourquoi personne n'est venu. C'est différent aujourd'hui, mais alors, il fallait apprendre que pour les Palestiniens, le jour d'indépendance, pour eux, c'est le jour de la Nakba, de la catastrophe palestinienne. Et c'est alors pendant on a discuté pendant une nuit entière, et c'est comme ça qu'on a dit, il faut apprendre que pour chacun, c'est quelque chose de différent. C'est pour moi, le jour d'indépendance, pour toujours encore, c'est un jour de la fête, puisque mon peuple, après 2000 ans, c'est la première fois qu'il a un pays, un État à soi-même. Mais pour les Palestiniens, c'est quelque chose de tout différent, parce que c'est le jour de la Nakba, c'est le jour qui signifie le jour où eux, ils ont perdu leur pays. Alors ça, c'est très difficile d'être dans un jour comme ça, d'être ensemble. Après qu'on a discuté pendant toute la nuit, on a trouvé le common ground, le terrain commun, comment on peut vivre ensemble. C'est d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Parce que pour un jour comme la journée de indépendance, on ne peut pas être d'accord. Pour chacun, ça diffère dans son identification, ça diffère dans les sentiments qu'on a envers ce jour-là. Et alors, ce qu'on a trouvé, c'est que on a beaucoup de choses en commun, mais on a aussi beaucoup de choses qu'on diffère, qu'on est différent, qu'on a de différentes identifications, de différents sentiments. Et la seule solution, c'est d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et toujours, on a le village et les institutions pour l'éducation qui sont toujours une base assez forte pour nous mettre ensemble, pour bâtir quelque chose de différent. De partager la terre, de partager les institutions, de partager le futur, de partager les idées pour créer une autre place où on peut vivre ensemble en paix. Et ça, vous l'avez trouvé en une nuit, alors que ça fait 70 ans que la même question se pose, il se résout pas. La question, elle revient toujours, parce que on a eu, depuis alors, on a eu la guerre du Liban, la première, la deuxième guerre du Liban, la première intifada, la deuxième intifada, la guerre de Golfe, deux guerres de Gaza, et c'est toujours cette compréhension qu'on est d'accord de ne pas être d'accord. Parce que, je vous donne une idée. Par exemple, pendant la guerre de Golfe, nous étions tous menacés par les roquettes de Saddam Hussein qui étaient envoyées sur nous tous. On était menacés ensemble. Quand on a discuté, alors on a réalisé qu'on n'a pas les mêmes identifications, parce que la guerre de Golfe, elle était en 91, c'était après la première intifada, qu'il y avait les Palestiniens parmi nous qui s'identifiaient avec Saddam Hussein, parce qu'ils pensaient, c'est bien que les gens de Tel Aviv, ils ressentent une fois ce que ça veut dire qu'une maison est détruite avec les roquettes de Saddam Hussein. Alors moi, comme juif, je pouvais ressentir ça, je ne pouvais pas m'identifier avec cette idée, mais je pouvais comprendre que les Palestiniens ressentent que c'est bien que Israël aussi ressent ce que ça veut dire de recevoir des roquettes et de ne pas être seulement la partie forte entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors je peux reconnaître ça, mais ça ne doit pas dire que je suis d'accord avec ça. Et c'est cette tension qui nous permet de vivre ensemble. Parce que aussi pendant la guerre de Gaza, pendant la première intifada et la deuxième intifada, nous avons de différentes identifications et nous avons de différents ressentiments. Mais on est tous toujours d'accord qu'il faut faire tout pour vivre ensemble en paix. Message de vie, donné à comprendre. Mais alors comment ça se fait que vous compreniez que de ne pas être d'accord, c'est une façon de discuter? Et ça veut dire qu'il y a des gens beaucoup plus conscients qu'il est important d'être en paix pour pouvoir collaborer et partager la même terre? Non, ce qui est plus important, il y a un stage qui est avant d'être d'accord, ne pas être d'accord, c'est de s'écouter et d'écouter aux différents sentiments et identifications et opinions de l'autre. Et c'est toujours quand on a un conflit dans notre village, alors on se met ensemble et on discute. Et on discute pas pour dire à l'autre partie « tu as pas raison », mais on discute pour écouter l'autre partie, pour comprendre comment il se ressent, pour comprendre pourquoi il pense comme ça. Alors, c'est une autre réalisation de vivre en paix, c'est de vraiment de s'écouter et d'être intéressé et de respecter l'autre dans son avis et dans ses opinions. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a pendant les années qu'on vit ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Tu peux le témoigner, mais le conflit fait naître la colère en général. Comment on peut faire face à la colère? Comment on peut enlever la haine et la colère? Comment on peut commencer à parler après ça? Il faut déjà évacuer. C'est l'opposite. C'est exactement l'opposite. C'est quand on comprend l'autre, quand on l'écoute vraiment, alors, on est plus avec l'empathie envers l'autre côté. Mais il faut être prêt à l'écouter. Et quand on l'écoute, et quand on écoute ses douleurs, son histoire, son opinion, alors on n'aura plus besoin des avions qui passent maintenant. pour faire la guerre entre un parmi envers l'autre. Et si on essaye toujours d'imposer une solution, un côté essaie de l'imposer à l'autre, ce n'est pas la solution. Il faut vraiment écouter l'autre et vraiment être prêt à ressentir et écouter les besoins de l'autre. Et après, quand on fait ça vraiment, alors on peut trouver une solution qui est juste pour les deux côtés. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples comment, par exemple, à l'école de la paix, on éduque aux gens comment arriver à ces solutions. Parce que à l'école de la paix, on fait l'éducation pour la paix. Et on fait des ateliers où on a un groupe de jeunes palestiniens et de jeunes juifs israéliens qui viennent ensemble et qui discutent, qui font connaissance un de l'autre. Parce que la haine et la colère, elle grandit quand on n'a pas de contact avec l'autre, quand on est seulement... on ressent seulement les informations par les médias qui sont très engagés, qui sont ambiantés par, orientés par les politiciens qui veulent que les gens reçoivent une certaine information. Et c'est dans l'école de la paix, on éduque les gens à écouter différents aux médias, par exemple. On recrute aussi de différents groupes de des gens qui ont des influences avec par leur métier. Alors on a des ateliers avec des politiciens des deux côtés de la Palestine et de Israël qu'on les mène ensemble pour discuter, pour se rencontrer et pour faire des simulations comment résoudre le conflit. Ou avec d'autres groupes de métiers, par exemple des médecins ou des journalistes ou des avocats qui arrivent dans notre école de la paix pour apprendre comment faire différemment de dialogue. Vous êtes en Israël, dans le village de Neve Shalom et de Wahat al-Salam, qui veut dire « oasis de la paix ». Nous allons entendre une chanson très populaire en Israël, interprétée par David Broza, en arabe et en hébreu. Message de vie, MES plus loin sage. Meilleich nishkaf, agam shel shtika, melibech metaktek, mangina atika, veshir al eretz tova, zikaron mikochav shekava, veshur hu meir lach, beleil ahava. Chanin nur ba'ine ضوء دروبك لقدام دايما من رحم الأوجاع بتولد رحمة الأيام خلي الخطوة فيها إصرار لتوصل آخر مسار وتلاقي مفتاح الذكرى اللي ضاع the carrier of love. חולון? באתם ל... מחנה אומנות. אוקיי. ויש לכם מדריכים פה? כן, פה יש אחדים. אוקיי. שלום. שלום. Comment? Et c'est, ils font un séminaire de, vous avez vu de, Omanoute de, artistique. Ouais, artistique. Je pense que ce sont des Juifs et des Arabes qui font le dialogue avec parmi les, l'artisme. Mais c'est vous qui demandez qu'ils viennent ou bien c'est dans le programme de l'éducation? Je sais pas exactement, parce que ce sont de différents ateliers. Ce qu'on a ici, on en a de dialogue uninational et de dialogue binational avec des Juifs et des Palestiniens. Alors, quand tu dis Palestiniens, ils viennent de quelle région? Ça peut être de Nazareth, ça peut être... Oui, de... ça peut, c'est dedans de Israël, mais les cours de... On a un cours qui est aussi supporté par l'Union européenne. Ah, okay. C'est des cours qui s'appellent Change Agents for Peace. Mm-hmm. Alors, ils viennent de la Palestine aussi. Ah, okay. Et le gouvernement palestinien, il est contre, pour le moment, il est contre les activités de normalisation. Mais notre école de la paix, c'est la seule institution qui est tolérée, acceptée pour faire du dialogue. Okay. Parce que Neve Shalom Ouart et Salam, c'est le seul endroit qui vraiment appartient aux deux peuples. Alors, ce n'est pas considéré comme quelque chose de... Tout est normal, mais nous sommes vraiment un modèle que comme c'est possible de vivre ensemble en paix. Et c'est aussi accepté par le gouvernement de la Palestine. C'est pour ça que l'École de la paix est la seule institution qui fait encore du dialogue et des échanges. Et le cours de Change Agents for Peace, vous en ai raconté avant, pour vraiment faire des agents qui sont actifs pour la paix dans leur environnement, avec les jeunes politiciens, des journalistes, des profs d'histoire, des architectes. Maintenant, on est ici, c'est le centre de Neve Shalom. Et c'est le centre de Neve Shalom des institutions éducatives. Mm-hmm. Parce que Neve Shalom, Ouart et Salam, c'est pas seulement un modèle comment on peut vivre en paix ensemble, ce que nous on prouve déjà de plus de 40 ans. Notre activité la plus importante, c'est l'éducation de la paix. Alors, on a juste passé maintenant l'école de la paix. Derrière nous, on a l'école primaire, le jardin d'enfants, la crèche. Ici, on a le collège. C'est une nouvelle institution qu'on va créer, un master degree, ensemble avec une université en Amérique, pour faire un master études de conflit et de la paix. C'est vraiment le centre ici. Plus loin, on a le centre pluralistique spirituel. Et dans ce centre, on fait plus de dialogues interreligieux et spirituels. Il y a des cours de yoga, de méditation, d'études du Coran, de la nouvelle la Torah, le Nouveau Testament. Alors, c'est comme ça qu'on a quatre différentes institution, et la cinquième institution de l'éducation pour la paix, c'est le NADI, c'est le club pour les enfants du village. Parce que malheureusement, on n'a pas d'école secondaire, on n'a pas de collège, on n'a pas l'argent pour faire ça. Alors, après la sixième classe, les enfants vont dans une école ou juive ou arabe, puisqu'il n'y a pas d'école comme mixte. Et alors, puisque c'est l'âge le plus important de la formation d'opinion, alors c'est très important quand nos enfants du village ont un endroit où ils peuvent discuter. Parce que c'est très difficile pour eux d'aller, pour les Arabes, aller dans une école juive où ils deviennent une minorité. Il y a du racisme, il y a de préjugés, c'est très très difficile. Ça met pas seulement les enfants arabes dans une difficile position, mais aussi les enfants juifs, parce qu'ils ont grandi ensemble depuis zéro, et tout d'un coup, ils arrivent dans une école juive, où les juifs, dans cet âge, ils veulent toujours être faire partir de la majorité. Et les Palestiniens, tout d'un coup, ils sont une minorité attaquée, des fois. Alors aussi, les Juifs, ça les met dans un conflit, s'identifier avec les Palestiniens, qui c'est comme leurs frères et sœurs, qui ont grandi avec, ou faire partie de la majorité, ou jamais ils avaient, pour leur aider à résoudre ces conflits. Alors on a le NADI, c'est le club pour nos jeunes, où ils sont formés, pas seulement pour leur aider à résoudre ces conflits, mais aussi pour les accompagner à travers de l'adolescence. Par exemple, quand les enfants ils ont 18 ans, alors les Juifs ils sont appelés à l'armée, les Palestiniens ils sont pas appelés à l'armée. Alors ça aussi, ça met des conflits. Qu'est-ce que les Juifs ils font? Ils vont dans une armée qui combat leurs comme frères palestiniens qui ont grandi avec. Alors, ils doivent résoudre beaucoup de conflits. C'est une vie très complexe, de vivre et de grandir à Neve Shalom. Et je crois que ça fait grandir les enfants plus maturement, plus ouverts pour un pluralisme, et pas avec noir et blanc, comme d'habitude on est éduqué dans un pays comme le nôtre, où il y a les ennemis, où il y a les gens qui sont avec nous, il y a les gens qui sont contre nous. Chez nous, les enfants, ils sont éduqués pour une vue pluralistique, compliquée, complexe, parce qu'on ne veut pas que les enfants ils voient que tout est noir et blanc. Il y a les ennemis, et c'est les gens qui sont pour moi, il y a les gens qui sont contre moi. Et c'est pour ça que, aussi quand les enfants ils sont à l'école, au collège, ils ont un rôle très important parce qu'ils viennent avec une autre savoir, une autre prédisposition qui doivent aussi représenter dans leur école. Et c'est le NADI qui les éduque pour vraiment devenir des Change Agents for Peace, qui sont formés pendant toute leur vie ici. On a aussi le cours pour les faire éducateurs pour les jeunes gens, puisque c'est comme un mouvement de jeunesse. Les plus âgés, ils sont formés pour travailler avec les jeunes enfants. Alors, par exemple, ma fille cadette, elle a 20 ans et maintenant elle travaille comme éducatrice dans le NADI. Pour gagner de l'argent, elle travaille à l'hôtellerie. Elle travaille dans le village, c'est bien. Et ma fille aînée, elle a étudié avocat. Elle a fait une spécification pour être médiatrice. Alors, nos enfants, ils vont dans la même direction. C'est intéressant parce que déjà, ils ont des problèmes complexes à résoudre sur les rapports humains. Nous, à l'école, les rapports complexes qu'on peut avoir, c'est les mathématiques ou alors les solutions qui sont plutôt théoriques. Mmh. Mais là, on fait travailler le cerveau en ayant tout de suite une problématique. Oui. Ça fait des enfants plus intelligents. Plus sensibles et aussi plus intelligents. La sensibilité, il faut être sensible avant d'être intelligent, je pense. Et la sensibilité va développer l'intelligence d'une manière... On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Exactement, voilà. C'est ça ce que je cherchais. Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure. Same face in the Gaza. It's the same face I see out in California. Same face in Jericho. It's the same face I see down in Mexico. Same face in Tel Aviv. It's the same face I see out in New Jersey. Places all share the same faces. East Jerusalem, West Jerusalem, Shalom. émission a été réalisée en Israël, dans le village de Neve Shalom et de Wahat al-Salam, qui veut dire en hébreu et en arabe « oasis de la paix ». Nous allons retrouver Evi Guggenman, notre guide dans Message de vie MES plus loin sage. Et est-ce que les enfants de la première génération qui ont grandi ici, que sont-ils devenus ? Est-ce qu'ils sont restés au village ou ils ont créé d'autres projets similaires à Neve Shalom ? On a la grande joie que la plupart de nos enfants, ils veulent rester à Neve Shalom ou Arte Salam. Mais ils sont très... Les enfants qui ont grandi ici, ils ont une conscience très haute pour des problèmes sociaux. Alors, je peux seulement parler de la génération de mes filles. Il y en a une amie de ma fille moyenne. Elle est allée à l'armée, elle n'a pas été dispensée pour l'armée, mais elle a travaillé avec les réfugiés de la Syrie qui sont venus ici pour recevoir du traitement médical. C'est quelque chose qu'on ne parle pas, parce que c'est très difficile pour eux s'ils rentrent en Syrie. Ils racontent qu'ils ont eu... c'est dangereux pour eux. Alors c'est quelque chose qu'on fait très discrètement. Et maintenant, elle étudie la médecine. Une autre fille, une des premières filles qui a fait partie de la première classe ici à Neve Shalom, qui d'ailleurs a commencé avec 10 enfants et deux professeurs. Alors, elle est médecine, elle est très, très active dans les médecins pour droits humains. Elles vont en Palestine, elles aident en Palestine et elles sont très actives. Elle va aussi maintenant bâtir sa maison ici à Neve Shalom, Arte Salam. On a un problème parce qu'on n'a pas assez de place pour tous les enfants qui veulent venir habiter ici. Et même s'ils habitent ici, ils ne créent pas un nouvel village, parce que je vous ai expliqué pourquoi ce n'est pas pratiquement impossible. Ils sont très actives dans leur quotidien. Mm-hmm. Les enfants du dehors, ils ne grandissent pas avec les deux langues. Ils grandissent ou avec l'hébreu ou avec l'arabe. Le professeur, des fois, il fait la traduction. Qu'ils comprennent. Oui. C'est intéressant. Mm-hmm. Et ça, c'est pendant les 6 années de primaire. Oui. Et aussi le jardin d'enfants et la crèche. Et dans tous les cours, mathématiques, on n'a pas l'argent pour faire dans tous les cours. Amechanchim, c'est les éducateurs. Qui sont responsables de la classe. Ouais. On a un séminaire maintenant, ça c'est un séminaire de l'école de la paix. On passe maintenant à l'école de la paix et il y a des jeunes gens qui viennent en séminaire, une classe de juifs et une classe de palestiniennes, de jeunes gens. Parce que puisque la politique est une politique de séparation, alors si on n'amène pas un groupe de juifs et un groupe de palestiniens ensemble pour se rencontrer, faire le dialogue et écouter un l'autre avec son histoire et ses identifications, alors on ne peut pas, on a la peur. On peut rentrer peut-être un moment, alors on peut voir, parce que je vois qu'il y a une activité. Message de vie, donner à comprendre. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. You know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of space. You may conceal a king in his hand while a memory of it fades. You know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. There's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Those who fear are lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Là-haut sur la colline existe en Israël un petit village, Neve Shalom Wahat al-Salam, qui veut dire oasis de paix, où vivent ensemble des juifs et des arabes palestiniens, citoyens de ce pays. Ils y élèvent leurs enfants, croyant que la coexistence est possible dans la fraternité, la reconnaissance et le respect de leurs identités. Nous allons retrouver notre entretien avec Evi Guggenheim de Neve Shalom et de Wahat al-Salam dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage. Et nous qui venons de France, on a toujours l'impression que Israéliens et Palestiniens sont encore plus séparés. Est-ce que toi, de ton point de vue d'ici, de chez toi, la distance entre Juifs et Palestiniens augmente-t-elle ? C'est une très difficile question parce que malheureusement, je crois que au dehors de Neve Shalom, il y a plus de peur. On est plus de la droite, il y a plus de gens qui sont de la droite. Mais je veux vous dire un autre exemple. Dans les ateliers de l'École de la paix, on a observé qu'il y a un processus qui se passe pendant l'atelier. Il y a deux différentes phases. Il y a la phase, la première, où on est très gentil ensemble parce qu'on est tous humains, on est gentil, mais on ne parle pas de conflits, mais on est venu pour se rencontrer. Et c'est pour ça qu'on va, on parle, on est tous humains. C'est quelque chose de très superficiel. Dans la deuxième phase, on commence à discuter. Et dans la troisième phase, on se réalise qu'on a des différences. Et que c'est très difficile ensemble, que pas tout le monde est de même avis. Et on n'est pas seulement humain, on a différentes opinions. Et alors on revient dans une phase qui est comme un conflit qui a, on a l'impression que c'est comme on est devant un mur qu'on ne peut pas passer. Oui. On tourne en rond. Et puis on devient plus en plus violent. Et on a l'impression que vraiment, on ne trouve pas de solution. Et c'est toujours dans cette phase que quelque chose de nouveau est né. Qu'on voit, tout d'un coup, on réalise que si on devient plus en plus violent, ça ne sera pas bien pour tout le monde. Et c'est alors que vraiment commence un dialogue différent. Un dialogue qui est vraiment de... Même niveau, tu regardes la personne. On se regarde dans les yeux, dans un niveau le même. C'est pas que les juifs qui ici sont la majorité et viennent, qu'est-ce que tu veux, et comme Netanyahou parle aux Palestiniens, viens, qu'est-ce que je veux te donner. Mais c'est vraiment un différent dialogue, qui est un dialogue sur égal. Et c'est de ça. Qu'il y a une solution qui est créée dans nos ateliers. Et je crois que c'est toujours l'espoir que j'ai, c'est quand on a vraiment l'impression qu'on n'a pas de solution, c'est alors que quelque chose de nouveau qu'on ne se rend pas compte est créé. Et j'espère que ça sera comme ça aussi entre les Juifs et les Palestiniens. Moi, je crois qu'en fait, on retourne à la base, c'est que c'est l'éducation, c'est apprendre à chaque peuple l'histoire de l'autre peuple, qu'on comprenne d'où ils viennent. Et finalement, c'est la base d'une relation humaine, oui, c'est de connaître c'est l'autre. C'est ce qu'on fait. Dans notre école, il n'y a pas un narratif de l'histoire qu'on éduque. On éduque dans deux narratifs, parce qu'il y a le narratif juif pour les mêmes événements et il y a le narratif palestinien. Et c'est comme ça, dans notre école, on éduque, on leur apprend les deux narratifs. Et c'est comme ça qu'ils sont créés dans une vue complexe de la réalité et ça leur ouvre les idées. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, il faut éduquer pour les deux narratifs. Est-ce que l'idée de Neve Shalom se développe dans d'autres pays comme ailleurs? Comme village, pas, mais comme l'école de la paix a eu beaucoup d'inspiration dans d'autres pays. Par exemple, avant qu'il y avait la paix en Irlande du Nord, alors nos éducateurs de Neve Shalom ou Arte Salam ont été invités en Irlande pour exporter le modèle de l'éducation de la paix. Et il a été exporté beaucoup dans d'autres parties du monde aussi. Aussi, on a été proposé pour le prix Nobel de la paix quelquefois. Malheureusement, toujours, on l'a pas eu, mais on est assez connu pour l'éducation de la paix qu'on fait. Donc toi, tu as fait quelque chose d'unique. Tu as été l'une des premières à te marier avec un Palestinien. Donc ça, c'était aussi un exemple que tu as donné aux autres. Non, c'est pas un exemple. C'est un mariage privé. On est tout simplement, on n'a pas pensé que étant de différentes religions ou de différents peuples, ça doit arrêter notre amour. C'est un mariage d'amour et pas un mariage politique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce village de la paix de Neve Shalom et de Wahat al-Salam. Hevi Guggenheim, que vous avez pu entendre tout au long de cette émission, a écrit un ouvrage aux éditions Michel Lafond intitulé « Le mariage de la paix ». Elle raconte l'histoire d'une région qui est marquée par un conflit permanent où seul un oasis situé entre Jérusalem et Ramallah résiste à l'intolérance. Vous souhaitez découvrir les activités, le travail éducatif et la vie quotidienne de Neve Shalom et de Wahat al-Salam? Un site en français lui est dédié en écrivant « Oasis de la paix » sur le moteur de recherche ou « Les amis français de Neve Shalom, Wahat al-Salam ». Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, une émission produite par Richard Federman.